Voici un pot en grès, un pot à choucroute classique de la marque allemande Gartopf, qu'Andrew s'est procuré au début de l'année 2014 et qui a été un petit peu le premier objet qui a inspiré le processus du Ferment Lab. Et nous nous en sommes servis à plusieurs reprises pour faire fermenter différents types de légumes au cours du Ferment Lab.